La nuit des temps, Radio Dio. C'est la fin de l'été. Direction l'Italie. Et plus particulièrement Bologne, qui entre deux musées du cinéma et trois révolutions picturales, était aussi l'une des capitales de l'Italo-disco. Nous sommes en 1990. Et Double D, avant de disparaître des radars malgré un mini revival en 2000, en générique en pop star à la télé, avait ce petit truc qui a permis de passer pépouze de l'Italo-disco à la house grande, grande, grande format, italienne. La nuit des temps, l'international de la danse. L'été. Alors direction l'Eurodance, l'hyperpop, le rap, c'est la résilience des sons et des textes qui caractérise Zouko. Winter Zouko, direction le Copacabana. Et nous sommes en 2023. Là je crois ça pue sa mère, là je crois faut qu'on se capte. L'ambiance est winter même quand il y a des flammes sur Snap. Si tu veux tu m'appelles et jamais je raccroche. J'ai très bien que c'est pas un jeu, j'ai très bien que t'es pas Lara Croft. Une salade à chaque fois que j'ai trop la dalle. Hein, c'est dommage que tu kiffes pas mes sons. Attends, je réponds à ma mère, c'est que je rentre pas à la maison. Je voulais qu'on se voit ce soir, mais bon, tu m'as porté à là. J'avoue, c'est possible que je m'attache, donc j'ai pris mon katana. Raconte-moi tes soucis, cette nuit, je suis ton akana. on rêve Copacabana. Pourquoi faut des embrouilles? Pourquoi faut des éclats? Pourquoi j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on se parle, les mains on a du C4? J'ai checké ma jugulaire, y'a la flèche de Cupidon. L'impression que ça va quand même partir en couille. J'ai déjà trouvé mille raisons, je me pose des questions. J'ai l'impression quand je suis moi-même frérot, je fais que de l'énerver. Je fais des blagues, des compliments, ça se transforme vite en CSC. Pourquoi je dois contredire tes copines qui disent de plus me fréquenter? Avec toi je voulais qu'on vive le luxe, pas suite je voulais qu'on aille camper. Avant tout, dis-moi est-ce que ça va? Notre connexion, dis-moi est-ce que ça like? Quand je suis sur scène, je veux que tu me guettes comme dans Hit Mile. Au lieu de faire deux embrouilles, viens on va faire de la maille. La nuit des temps, Radio Duo. Tony vit dans une ville remarquable et lointaine, à l'autre bout du monde, c'est Melbourne, en Australie. Et il faut une bonne dizaine d'heures pour relier l'île depuis Saint-Étienne. Et là-bas, à bas bruit, le cousin de Tony remplit les petites salles avec sa danse disco, slow motion, crooneuse et virevoltante. Comme sa ville, Melbourne. Et nous sommes en 2019. Do you think it's possible to preserve that kind of innocence? Sound. All those creatures that you found, they sing in slow motion. Love potion simmering in every little drop, drips to show you what you're not. It's love. Love is heartbreak. Everything you need a piece in the cracks of your disease. In the end, there's only love, and love is heartbreak. Love is love. He loves me platonically, yet romantically I'm floored. His love language is touch, and I need more. They say love is love. They say love is love is the message that lives in my core. I dance for love, I work for love, I am love. Mi amor, agape, eros, take my hand. Are you sure? No worries, duck and hide when you're by my side. My wonder twin, my best friend, my filia diverse, extended to the metaverse. Love was never meant to hurt. Love is love. Love is a state of mind. What I give is what I get. What I think, I attract. So I think of you, my love. You are a whisper upon my full lips, a crush, mysterious prince or princess, non-binary, legendary. Your twist is my type. For love, I fight or take flight if you ain't loving me right. I love in a way most ain't ready for. You breathe out, I breathe in. You breathe in, life begins. Now don't get it twisted, I love me some me. I ain't going front, it was a lesson well learned. Scars once earned, now fuel for the only well deserved. They say love is love. Love is an energy, 528 HC, frequency vibrating through me. Loving you is easy. The ultimate test is to love thy enemy. And I love you all. Watch me work this love is the reason my head is held high. DJ Love helped me survive, so I let go. My love has no pride. They say love is love. They say love. They say love. Bye. C'est notre powerplay de la semaine. C'est double dose de Winter Zuko. Et cette fois, nous sommes dans le Kroutsi. En 2025. Faut que les Suisses aient qui envoient des lettres. Quand j'ai parlé, je crois qu'ils ont pas compris. J'ai des frères, ils ont de l'or dans la tête. Mais ils ont quand même fini en sombrie. La plaie que tu m'as laissée, je crois que je la sens pourrir. Je suis dans un gamos, les fenêtres, je sais pas les ouvrir. C'est pas fini, c'est toujours la course au cash. Depuis que je suis minot, je fais que de courir. Oh, laissez-moi, je suis dans ma folie. T'es parti, j'ai perdu ma mélatonine. Je me rappelle quand t'étais ma seule acolyte. On se regardait avec les yeux de la colline. Y'a pas one, donc logique, on fait un all-in. Je suis dans le studio, y'a Villem et de la taurine. Oh, laissez-moi, je suis dans mon agonie. T'inquiète, éprouvez un coup, t'es pas maudit. Son humain, mais je suis pas du même acabit. À 60% comme si j'étais Bakary. Lampadaire allumé, je suis dans la ville. S'il m'attrape, libérez-moi. Moi de l'asile, les années passent mais j'suis toujours dans le film. J'suis sorti, j'ai mis le polo et le jean. Le pro y croit mais il est pas dans la team. Appelle-moi c'est un blême pro. J'pense à toi dans le métro. Soir ce j'ai pas de lusty. En pétard comme Krusty. Toi d'honneur depuis le Merco. PTSD dans le cerveau. Grosse fissure sur le pare-brise. Ma seule fois soir j'suis grave triste. Appelle-moi c'est un blême pro. J'pense à toi dans le métro. Soir ce j'ai pas de lusty. En pétard comme Krusty. Toi d'honneur depuis le Merco. PTSD dans le cerveau. Grosse fissure sur le pare-brise. Appelle-toi soir j'suis grave triste. J'étais faible, ils m'auraient arraché la peau. Je vais pas leur tendre la main, ces fils de cracherait dans la peau. La vie s'acharne depuis que je suis môme. S'il y avait pas maman, j'irais disparaître dans la faune. J'suis wanna crayeux, c'est des wannabes. Sur le béton, on va s'arracher les habits. Je me rappelle de quand je pisse le sang. Mon capiran a stoppé l'hémorragie. Au TF chez nous, c'est que la famille. Même si je suis seul dans la cabine, j'ai des bleus violets sur mon corps. C'est réel quand je déréalise. J'suis wanna crayeux, c'est des wannabes. Sur le béton, on va s'arracher les habits. C'est réel quand je déréalise. Appelle-moi c'est un blême pro. J'pense à toi dans le métro. Soir ce j'ai pas de lusty. En pétard comme Krusty. Toi d'honneur depuis le Merco. PTSD dans le cerveau. Grosse fissure sur le poire pris. M'appelle pas soir j'suis grave triste. Appelle-moi c'est un blême pro. J'pense à toi dans le métro. Soir ce j'ai pas de lusty. En pétard comme Krusty. Toi d'honneur depuis le Merco. PTSD dans le cerveau. Grosse fissure sur le poire pris. M'appelle pas soir j'suis grave triste. La nuit des temps, l'international de la danse. There's so much better with everything. Nice and glowing in my chair, there's no compare. I adore you. Ooh, I adore you. I came first, but you're ahead. Beyond your years, people try to find this thing you've always been. I adore you. Ooh, I adore you. Then play your answer. You walk through life just like a dancer. If I had my way, every day would be a parade. When you pray your answer, you walk through life just like a dancer. If I had my way, every day would be a parade. Ooh, I adore you. Avec Brian Eno, Fred Again, Adore You. Friends at once. You know how we do. 502 past the curfew. In Shibuya, eating udon is what we into. Laughing out loud. Time always miss you. Tous ses potes, tous ses amis, comme Channel Trees, All My Friends, tous nos amis qui sont là, de retour, ici à Saint-Étienne, et avec Radio Duo. Like a blaze in the distance, I can see you, what's missing, oh if you take me out the system, and just look at me for who I am. I wanna see all my friends at once. I wanna see all my friends at once. Kiss me Over there. You looking over there? Yeah, I'm just looking at the piano. Mm. You ready to come out yet? No. You cool? You chilling? Mm-hmm. It's all good? Yeah. You gonna be quiet while mommy's singing? Yeah. You can talk right now, though. Okay. How you gonna warm up? Well, hopefully, if I keep doing it enough, we'll get it right. Mom, get some microphones. Get some earphones on. Well, I don't know if they have an extra... Jaden have earphones? Oh, there you go, Jaden. Okay. You can hear me? Yeah. Okay. Can I talk to my daddy? Daddy can hear you. Hi, Daddy. What's up? Can you hear me? Yeah. Whoa. But when the music starts, you have to be quiet. Scary, Galia, got a new way to flow, for ordinary Joe, you know. Hey, C'est la fin de l'été, mais tout de suite, maintenant, c'est déjà presque l'heure de la rentrée. Et oui, c'est déjà l'heure de la rentrée, et pour nous, de fermer les portes de notre bon vieux club. Un bon vieux club qui a fait sa pause estivale, mais qui est bien décidé à repartir pour une nouvelle saison, plus Born to be Alive que jamais. Et ce soir, sur notre dance floor, on a reçu Emil and the Sniffers, que l'on aime tant en live. Et elle aussi, elle est très très très Born to be Alive. Il y avait également Special Interest pour sa maison Herman. Double D, qui depuis l'Italie cherche l'amour, eh bah, depuis le temps, il va bien finir par le trouver. The Sophie Experiment pour son Gabo Last Resort, une lettre près. On était au Garbo's Last Resort, la célèbre actrice hollywoodienne des années 30. Winter Zuko en powerplay cette semaine avec un saut vers son premier puis second album. On a également reçu le cousin Tony Brand, New Firebird, depuis la belle Melbourne. Blondish, qui a fait bisous bisous avec Madonna. Et Fred Again, qui reviendra cette année encore et encore dans notre dance floor. Channel Tris, Everything But The Girl, car on adore ce croisement de pop et de dance à la lisière des années 90 et 2000 en Angleterre. Et puis les Prefab Sprout, peut-être l'un des plus grands groupes pop de tous les temps. Et nous Jabiz, un habitué de la nuit des temps. Et bien voilà, c'est fini, c'était la nuit des temps. Et vient maintenant le moment de lever le nez vers les étoiles. Le ciel se dégage après l'orage dans le ciel de Saint-Étienne. Et elles sont toujours là, vaillantes, après l'été. Toujours là pour nous. Et lancer les bonus de la nuit des temps sur Duo, avec quelques sons surprises, pour arriver tranquillement vers les 22h et dépasser très très très légèrement. Buena noté. Salut. La nuit des temps, Radio Duo. Yummy.